Réflexion en forme de lettre au sujet d'un système prétendu nouveau, sur le mystère de la Trinité. Par Armand Boisbleau de la Chapelle. 2. Éclaircissement sur l'incompréhensibilité que l'on accuse de contradiction dans le système orthodoxe. Lorsque, dès le commencement de sa lettre, l'auteur étale fastueusement les objections contre le système orthodoxe, à quoi ne semble-t-il pas qu'on doive s'attendre du sien? Les orthodoxes ne s'écartent pas de l'écriture. Ils la mettent en contradiction avec elle-même, dans l'arianisme, dans le sabellianisme, et dans le trithéisme, sans le savoir, ils ne s'entendent point eux-mêmes, ils emploient des mots sans idée. Leur système est incompréhensible, inintelligible, contradictoire, contraire aux lumières naturelles, opposé à la raison et à l'écriture. Je l'ai déjà dit, mais je ne saurais le répéter trop souvent. Les Servais et les Tollans ne se sont jamais exprimés d'une manière ni plus forte, ni plus désobligeante, ni moins ménagée. J'ajouterai même qu'ils ne l'ont pas fait d'une manière plus fausse et plus aveugle, si je me proposais ici de défendre l'Église orthodoxe par voie de disputes réglées. Vous savez, monsieur, que ces accusations vagues, que l'impiété seule suggère contre notre foi commune, ont été repoussées, avec triomphe, toutes les fois qu'on les a produites. Il n'y a rien, absolument rien, qui n'y donne le moindre prétexte, que l'impossibilité où nous nous trouvons de définir philosophiquement la distinction réelle des trois personnes dans une seule essence divine. Sur tout le reste, nos idées sont aussi nettes et aussi intelligibles que le peuvent être celles du philosophe le plus clair ou de l'hérétique le moins obscur qu'il y ait dans le monde. La clarté ne nous abandonne qu'en l'endroit où l'on nous contraint d'exprimer, en langue humaine, la distinction des personnes divines. Nous voyons, de toute certitude, qu'elle doit être réelle, mais, nous voyons avec la même évidence qu'elle ne peut être ni de substance, ni de mode. Elle ne peut être de substance, car alors nous aurions trois dieux. Elle ne peut être de mode, car alors nous n'aurions qu'une seule personne divine. Qu'est-elle donc, nous dit-on? L'Écriture sainte ne s'en étant pas expliquée, avec la même netteté que sur les autres parties du dogme, nous nous servons du terme de consubstantialité ou de communication de substance, non seulement parce qu'il nous paraît fondé dans le langage de l'Écriture, mais encore parce qu'il est le plus précis pour exclure toute distinction de mode, et toute distinction de substance. C'est donc ici, et ici seulement que l'on crie, à la contradiction, à l'incompréhensibilité, aux mots sans idée. Comment des ennemis manqueraient-ils de le faire, puisqu'il faut avouer que souvent les orthodoxes, les plus zélés, n'y donnent que trop de sujets, sans en avoir la moindre pensée. Il est certain qu'en bien des rencontres l'ineffabilité du mystère nous arrache des expressions dont on peut abuser contre nous, et desquelles ordinairement on abuse. Quelque attention que j'y ai apportée dans cet écrit, peut-être que j'en aurais laissé couler de semblables. Si j'ai eu le bonheur de ne le point faire, ce ne sera certainement que la circonstance qui m'en aura garanti. Lorsqu'on examine un ouvrage, opposé à nos confessions de foi, tout averti de mesurer ses termes, de compter ses mots, de peser ses syllabes, mais hors de là cette précaution gênante et rare, parce qu'elle ne paraît point nécessaire, j'en ai remarqué tant d'exemples, qu'au besoin, je me ferais fort d'en faire un volume. On y verrait les plus grands noms, de toutes les communions orthodoxes. On y verrait quelques-uns des plus savants, des plus exacts, des plus illustres de nos théologiens, qui emploient quelquefois des expressions qu'ils n'auraient eu garde d'employer dans un écrit polémique. Cependant, c'est à la faveur de semblables expressions qu'on nous fait l'injustice de presser à toute rigueur, que les ennemis de l'orthodoxie s'estiment en droit de nous insulter, comme si nous confessions nous-mêmes que notre système est contradictoire. Je dis qu'en cela l'on nous fait injustice, et que l'injustice est même criante. Selon nous, le mystère que nous croyons n'est incompréhensible qu'en deux sens, où, quelque effort que l'on fasse, on ne saurait, page 18, trouver rien de contradictoire ni de fait ni en apparence. Je déduirai ces deux sens dans les paroles de M. Laplacette, parce que l'auteur ne me semble pas prévenu contre lui. Le premier, dit cet illustre théologien, est que nous n'avons pas une connaissance compréhensive de ce mystère, qu'il renferme diverses vérités, dont la plupart nous sont inconnues, et qu'ainsi nous ne les connaissons qu'imparfaitement, inadéquatées. L'autre est que les idées, que les termes, dont l'Écriture et l'Église se servent, sont des idées confuses, en ce qu'elles ne représentent que les attributs les plus généraux de leur sujet, sans descendre jusqu'aux propriétés spécifiques et individuelles. En effet, on comprend qu'en ces occasions, la connaissance qu'on a des choses est fort défectueuse, comme si, par exemple, on ne savait aucune autre chose d'un lion, que ceci seul, que c'est un corps vivant ou un animal. Qu'on fait réponse à deux objections, page 247 et suivantes. Si les ennemis de nos confessions de foi ne se contentent pas de ces éclaircissements, nous ne saurions qu'y faire, car enfin nous ne saurions nous résoudre, par pure complaisance pour eux, ni à embrasser le polythéisme, en admettant entre les personnes divines distinction de substance à substance, ni à répandre le dernier ridicule sur la formule de notre baptême, en ne reconnaissant qu'une seule personne divine sous trois dénominations différentes. Le profond respect que nous portons à l'Écriture nous rend ces deux extrémités également odieuses, et notre raison se console de ce qu'elle ne connaît point, par l'évidence de ce qu'elle connaît. En fait de difficultés et de contradictions, rien n'égale le prétendu nouveau système. Mais encore un coup, monsieur, je n'entreprends point ici la défense du sentiment orthodoxe. J'ai déclaré, dès l'entrée, que je ne regarderais ceci que comme une digression purement inutile. Quand il serait plus vrai, qu'on ne le prétend, que notre système est inintelligible, contradictoire, insoutenable, il ne s'ensuivrait en aucune façon qu'un autre lui dût être préféré, si cet autre a les mêmes défauts au sujet desquels on se récrie avec tant de hauteur. Mais, s'il en a de plus grands, s'il en a davantage, si l'on y voit autre chose, croyez-vous, de bonne foi que l'on ait bonne grâce à nous faire la proposition du change? De quel tour d'esprit même ne faut-il pas être pour nous le proposer? C'est pourtant le cas du système, prétendu nouveau, que l'on vient de communiquer au public, et que l'auteur voudrait que tous les chrétiens acceptassent au préjudice de la foi de leur père. À n'en juger que par les merveilles qu'il nous en dit, on croirait effectivement que ce système est tout de plein pied, que toutes les difficultés y sont aplanies, que la raison et l'écriture s'y trouvent également respectées, et que les libertins, eux-mêmes, n'y verront rien à mordre. Mais que cette représentation est infidèle, et qu'elle n'est point la surprise, Lorsque l'on rencontre le contraire, dans le sens le plus révoltant, lorsque l'on voit l'Écriture exposée à l'insulte des profanes, la raison choquée dans ses premiers principes, la théologie mise en pièces, et la philosophie dégénérée en simple métier de chicane. Je vous ai promis de bonnes preuves de tout ce que j'avancerai, il en faut ici plus qu'ailleurs. Je vais vous en donner, mais souvenez-vous qu'obligé de choisir, j'aurai plus d'égard à la qualité qu'à la quantité des réflexions que je pourrai faire. On y trouve l'inévitable et l'incompréhensibilité. 1. Je commence par l'incompréhensibilité, que l'auteur reproche, d'une manière insultante, à tous les autres systèmes, et qu'il insinue par conséquent que l'on ne trouvera pas dans le sien, page 34. Il m'a semblé, dit-il, que ce système retrancherait la principale cause de toutes ces sectes qui ont divisé l'Église à l'occasion du dogme de la Trinité. C'est l'incompréhensibilité du mystère qui a fait naître ces sectes, et cette incompréhensibilité n'était autre chose que l'impossibilité que l'on se figurait à concilier les passages qui traitent de ce point de la religion. Ce nouveau système ouvre à tous ses parties divisées, l'unique moyen de se réunir. C'est-à-dire que l'incompréhensible y disparaît tout à fait, et que les décisions de l'Écriture y cadrent si bien, qu'il n'y aura plus rien qui fasse la moindre peine à l'esprit. Qui le croirait pourtant? Ce système a ses mystères, il a ses profondeurs, et ses incompréhensibilités, comme tous les autres. J'en trouverai par centaines, si je voulais me donner la peine de les chercher. Heureusement pour moi, l'auteur a eu la générosité de m'épargner ce travail. Dans son livre Tout petit et tout compassé qu'il est, il avoue la dette sur deux points capitaux, l'un est celui de la génération éternelle du Verbe, et l'autre est celui des diverses natures dans l'incarnation du Sauveur. Quant à l'éternité de la génération, nos confessions de foi en font un article dans la persuasion que c'est une vérité démontrée par l'Écriture. Mais si le Fils est une intelligence créée, vous avez là de toutes les incompréhensibilités la plus inintelligible. Comment est-ce que l'Écriture a pu dire que le Fils est éternel, s'il a eu un commencement? Ou comment a-t-il eu un commencement s'il est éternel? Savez-vous de quelle manière l'auteur se tire d'affaire? Sans prendre parti, dit-il, sur aucun de ces deux cas parce que je n'ai pas de raison suffisante pour me déterminer, ni pour l'un ni pour l'autre, je dis que l'on ne saurait démontrer, ou que l'un, ou que l'autre soit faux. Quoique pour réfuter mon système par cet endroit il faudrait que l'on pût démontrer qu'ils sont faux tous les deux. En vérité voilà un système qui a de beaux privilèges. Il pose pour premier principe que le Fils est une intelligence finie, et à laquelle Dieu a donné l'existence. Cependant, il ne laisserait pas de subsister, quand bien on pourrait démontrer, par l'Écriture, que ce Fils est de toute éternité. Si l'auteur comprend lui-même ce qu'il dit, je l'en félicite, pour moi je n'y comprends rien, et je défie tout autre que lui d'y rien concevoir, car quelle idée se faire d'une éternité qui a eu un commencement? Erreur, dit-il, page 28, je ne vois pas que l'on puisse démontrer par quelque argument que ce puisse être, que Dieu n'a pas pu de toute éternité donner l'existence à quelque être fini, et qu'il faille nécessairement qu'il se soit écoulé une infinité de siècles, pendant lesquels Dieu n'ait pu rien produire. Voyez un peu la confiance et l'aveuglement, à moins qu'on ne lui démontre qu'il s'est écoulé une infinité de siècles avant que Dieu ait pu rien produire, il ne vous accordera pas que tout être fini doit avoir un commencement d'existence, et vous ne sauriez même le lui démontrer. par quelque argument que ce soit. Il ne se rendrait donc pas si je lui disais que la cause doit nécessairement précéder les faits, dans l'ordre du temps, et il conçoit que l'un n'est point avant l'autre. S'il le conçoit, à la bonne heure. Tout ce que je puis lui dire, c'est que la chose sera certainement incompréhensible pour toutes les autres intelligences de la nature, si elle ne l'est pas pour la sienne. Il n'y a point de milieu, où le Fils est tout à la fois éternel et créé, ou bien l'Écriture n'enseigne pas la génération éternelle du Verbe. Au premier cas, le système est incompréhensible, et au second, c'est l'Écriture qui le devient, comme je le ferai voir dans la suite. En attendant, disons un mot du nombre des natures dans le Verbe incarné. Rien n'est plus curieux que d'entendre l'auteur, quand il lui faut exprimer là-dessus sa pensée. La personne du Fils, dit-il, page 43, a été composée de deux natures avant son incarnation, aussi bien qu'après. Elle n'en a donc eu que deux après, comme elle n'en avait que deux auparavant. C'est ici, sans contredit, un grand mystère. Deux natures, jointes à une troisième, n'en font encore que deux? L'arithmétique est nouvelle. Et comment est-ce que la raison s'en accommode? Mais écoutons parler l'auteur qui continue. Avant son incarnation, la nature finie était une nature purement spirituelle ou angélique, et dans l'incarnation le Fils a pris à soi une nature humaine. Ainsi, au lieu qu'auparavant il était Dieu et ange, il est devenu Dieu et homme. Qu'est donc devenue la nature angélique? Comment a-t-elle disparu? Il est bien certain que dans le Verbe incarné, il n'y a que deux natures, et que les écrivains sacrés du Nouveau Testament n'y en reconnaissent point davantage. L'auteur en est convaincu comme nous, puisqu'il dit que dans l'incarnation le Fils est devenu Dieu et homme, au lieu qu'auparavant il était Dieu et ange. Que fera-t-il donc, encore une fois, de l'intelligence unie personnellement avec Dieu avant l'incarnation? Il n'en fait rien, mais il ne s'en embarrasse pas autrement. Il dit froidement qu'il faut de deux choses l'une, ou que la nature angélique tienne lieu d'âme humaine en Jésus-Christ, ou qu'il y ait en lui trois natures. Quelle extrémité pour un théologien philosophe, qui ne devait parler que raison et qu'écriture. Si la nature angélique tient lieu d'âme humaine en Jésus-Christ, le Sauveur n'a point pris notre nature, à moins que le corps seul ne soit l'homme, ce que la raison ne lui passera jamais. Et s'il y a trois natures en Jésus-Christ, que ferons-nous de l'Écriture qui ne lui en assigne que deux? Ou pourquoi l'auteur nous dit-il que le Fils, qui autrefois était Dieu et ange, est à présent Dieu et homme? Ne fallait-il pas dire qu'il est devenu Dieu, et ange, et homme? Pourquoi ne le fait-il pas d'abord? Pourquoi pose-t-il d'abord au contraire que le Fils n'a jamais eu que deux natures, tant après que devant son incarnation? N'en doutez point, monsieur, c'est que le pauvre homme s'est trouvé court lui-même dans cet endroit de son plan. Il n'a su comment concilier ni trois natures avec la vérité, ni deux natures avec son système. Ce n'est plus l'esprit clair qui comprend ce qu'il dit, c'est l'esprit ténébreux qui dit ce qu'il ne comprend pas. Il est pourtant beau de lui voir conserver son sang-froid dans un passif fâcheux. Ne croyez pas qu'il se démonte. Les incompréhensibilités ne lui font aucune peine. Quand elles sont de la façon, il n'y a que celles des autres systèmes qu'il ne saurait digérer. Les siennes ont le précieux avantage que le silence de l'Écriture les rend excusables, ou les réduit à rien, quoique ce même silence de l'Écriture ne puisse justifier celle du système orthodoxe. Page 43. Le plus sûr, à mon avis, dit-il, et de ne rien déterminer sur cette question douteuse, s'il y a trois natures, ou deux en Jésus-Christ parce que l'Écriture ne nous instruit pas assez sur ce sujet, au moins à ce qu'il nous paraît. Je ne vois aucun inconvénient à soutenir soit l'un soit l'autre de ces deux parties. Je penche davantage du côté du dernier, mais sans y rien décider. Son indécision sans doute est pour lui un coup de prudence, car je le défie de se déterminer pour l'un ou pour l'autre, sans tomber dans l'absurdité la plus monstrueuse. S'il décide que Jésus-Christ n'a eu de la nature humaine que le corps, il a, contre lui, toute l'Écriture, et tous les systèmes de théologie anciens et modernes, et s'il décide qu'il n'y a en Jésus-Christ que deux natures, que deviendra, page 15, la vraie et l'unique solution du dogme de la Trinité? Le plus sûr est donc, certainement pour lui, de ne rien définir, et d'adorer le mystère de son invention sans le comprendre. Mais alors, qu'il ait la sagesse de ne rien dire contre les sentiments incompréhensibles, et qui fournissent des mots sans idée. Après de pareilles déclamations, il ne faudrait pas faire de semblables aveux. 2. On y trouve l'introduction arbitraire de nouveaux termes et nouveaux dogmes. À l'incompréhensibilité du système, je joins un autre défaut qui n'est pas moins choquant, c'est l'audace d'introduire de nouveaux termes, et de nouveaux dogmes dans la théologie chrétienne, sans autre garant que son imagination toute pure. Vous rappellerai-je ici, monsieur, le bruit qu'on a fait, depuis 1400 ans, contre le premier concile de Nicée, qui ajouta, au symbole, le mot de consubstantiel pour exprimer ce que les chrétiens doivent croire de la divinité éternelle du Fils. Quoique ce terme soit effectivement le plus propre, pour dire ce que dit l'Écriture, et qu'il soit même fondé dans les expressions du Saint-Esprit, il faut avouer qu'il ne se lit point dans nos écrits sacrés, et là-dessus vous savez les cris et les vacarmes. On accuse ce concile d'avoir défini ce que l'Écriture ne définit point, d'avoir fait un nouvel article de foi, d'avoir entrepris de soumettre la conscience à des décisions humaines, et que ces gens encore, vous ne voyez, ni grand ni petit hérétique, qui ne reviennent perpétuellement à la charge, et l'auteur de la lettre n'a pas voulu en perdre sa part, page 36, les réformés, dit-il, devraient se souvenir, que l'Écriture est la règle unique sur laquelle ils font profession d'appuyer leur foi, et non les traditions de leurs ancêtres, ou les décisions d'aucune assemblée de théologiens que ce puisse être. Mais n'est-ce pas une chose bien singulière, monsieur, que les gens, qui font, le plus ces plaintes, soient, presque toujours, les premiers à faire véritablement ce qu'ils prétendent avoir été fait par le premier concile de Nicée? L'auteur de la lettre en est et en sera un exemple des plus mémorables. Il veut que nous ne soyons retenus ni par les traditions, ni par les décisions des assemblées de théologiens, ni par la doctrine que nos pères nous ont enseignée. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? Est-ce pour ne parler que le langage de l'Écriture? Est-ce pour ne point définir ce que cette Écriture ne définit point? Est-ce pour retrancher de nos confessions de foi les dogmes qui ne sont pas assez clairement révélés? Non, c'est pour adopter des termes de son invention, c'est pour substituer ses sentiments particuliers aux sentiments reçus dans l'Église, c'est pour recevoir, dans nos confessions de foi, des dogmes dont il est l'artisan et le père, des dogmes qui n'ont aucun fondement dans l'Écriture, des dogmes même, enfin, qui sont contraires à cette Écriture. Ce dernier point viendra plus naturellement dans la suite. Ici, je ne considère encore le prétendu nouveau système que comme une innovation téméraire, arbitraire et destituée de tout fondement dans la révélation. Peut-on qualifier autrement les deux propositions qu'il nous donne pour des articles de foi? Le premier que dans les personnes du Fils et du Saint-Esprit il y a eu, dès le commencement de nature, une nature divine et une nature finie, et le deuxième que la divinité de l'une et de l'autre, de ces deux personnes, résulte d'une union personnelle du Père avec elle. Si ce ne sont pas là des inventions humaines, y en eut-il jamais qui méritait ce titre? Où est-ce que cela se trouve dans l'Écriture? Où est-ce même que l'on n'y trouve rien d'approchant? J'en appelle à la conscience de tous les lecteurs. Il n'y en a pas un seul, de ceux-là même qui peuvent avoir lu le plus attentivement les livres sacrés, ou médité le plus souvent, et de la manière la plus réfléchie, les vérités chrétiennes, il n'y en a pas un seul, à qui ces choses ne soient parfaitement nouvelles, et à qui la moindre idée en soit jamais venue à l'esprit. De tant de chrétiens, qui, depuis les apôtres, ont envisagé ce mystère, de tant d'hérétiques, qui l'ont tourné de toutes les façons, de tant de spéculatifs qui ont tâché d'en pénétrer l'énigme, et qui tous ont fait profession de prendre l'écriture pour règle, quoi, pas un seul, depuis 1700 ans n'aurait rien entrevu, n'aurait entrevu ni ombre ni trace de ces deux propositions, si elles étaient dans la Bible. Notre surprise est d'autant plus grande, en ceci, que l'auteur les y a trouvées, lui, avec tant d'évidence, qu'il doit croire que si personne ne l'a précédé, dans cette découverte, on ne peut l'attribuer qu'à un miracle de la Providence, qui a suspendu l'exercice de toutes les facultés intellectuelles des hommes, et qui les a aveuglés pendant 17 siècles, afin de réserver, à l'illustre théologien de nos jours, la grâce d'ouvrir les yeux et de voir. À l'entendre en effet il ne faut qu'avoir des yeux, et que vouloir s'en servir pour trouver son système dans l'écriture. Ce qu'il y a, dit-il, de particulier dans mon système, semblera, peut-être à la première vue, appuyé sur des suppositions arbitraires, tirées de mon cerveau, et qui n'ont aucun fondement dans la révélation. Je me crois, au contraire, en état de prouver, par des démonstrations aussi évidentes que des démonstrations mathématiques puissent être, que tous les articles qui composent mon système sont fondés sur l'autorité de l'écriture. N'est-ce pas le plus grand des prodiges? N'est-ce pas une chose surnaturelle que, pendant une si longue suite de siècles, personne n'ait aperçu le moindre rayon de deux dogmes, qui sont contenus, dans l'écriture, avec tant de lumière, que les démonstrations mathématiques ne sauraient avoir un plus grand degré d'évidence. Mais voici, monsieur, quelque chose de bien plus étonnant encore, c'est que même après la découverte, il n'y a que l'auteur tout seul qui puisse lire dans l'écriture ce qu'il a eu le bonheur d'y voir avec tant de clarté. Non seulement il n'y a que lui qui l'y voit, mais encore il ne lui est pas possible de le montrer aux autres. Lui demandez-vous des preuves scripturaires de ces deux propositions qui font l'âme et le tout de son système? Il vous répond deux choses à déconcerter le lecteur le plus flegmatique. L'une regarde le Saint-Esprit, et l'autre regarde le Fils. Par rapport au Saint-Esprit, il avoue ingénument que l'Écriture ne lui fournit pas la moindre preuve de ses propositions. Page 19. J'avoue, dit-il, que parmi les suppositions qui composent mon système, il y en a une qui n'est pas formellement contenue dans l'Écriture, C'est celle qui attribue au Saint-Esprit une nature finie jointe avec la nature divine. Cela veut dire en bon français que l'Écriture n'en dit pas un mot, et que, depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier de l'Apocalypse, il n'y a rien, à cet égard, qui favorise, en quelque façon que ce soit, le système. Où est donc la démonstration mathématique? La voici, monsieur, et je vous supplie de croire que je transcris fidèlement les expressions de l'auteur, car je ne doute presque point à cette lecture que vous ne vous défiez un peu de moi, et que vous ne me soupçonniez de lui prêter ce que vous allez lire. Mais, ajoute-t-il, cette supposition résulte de l'union de tous les passages qui parlent du mystère de la Trinité, puisqu'elle fournit un moyen d'expliquer que tous ces passages d'une manière naturelle, et de les concilier entre eux. On est assuré qu'on a trouvé le vrai sens d'une énigme quand on peut faire une supposition qui s'ajuste parfaitement avec toutes les expressions qui composent l'énigme. Si l'on ne trouve pas que ce soit là une raison suffisante pour le devoir admettre, il faudra bannir de la théologie et de la religion toutes les doctrines qui ne sont tirées de l'Écriture que par la voie des conséquences. Croyez-vous, monsieur, qu'il soit possible d'écouter ce raisonnement sans quelques petits mouvements de colère? Cet homme vous promet des articles de foi qui seront déduits de l'Écriture, avec une évidence égale à celle des démonstrations de mathématiques, et quand il vient au fait au prendre, il se trouve que l'Écriture se tait, et qu'il n'y a que lui seul qui parle. Il bâtit arbitrairement un système, il fait un symbole à sa fantaisie, et lorsqu'on lui demande ce qui le fonde, du côté de la révélation, son unique ressource est de dire que c'est sur ce système qu'on doit se régler dans l'interprétation de l'Écriture, et que l'Écriture n'aurait point de sens si ce système n'était pas vrai. De bonne foi, cela mérite-t-il une réfutation sérieuse et que faut-il de plus pour confondre un écrivain semblable que la confusion dont il se couvre lui-même? Mon système est prouvé mathématiquement par l'Écriture, non qu'elle en parle, mais parce qu'elle a dû en parler. Voilà son raisonnement, voilà sa démonstration, voilà l'autorité décisive qui doit établir un dogme nouveau dans les vérités capitales du christianisme. Y eut-il jamais ni pape ni concile qui osasse se jouer ainsi de la foi des chrétiens? Mais peut-être que ce qu'il avance, par rapport au Fils, est plus scripturaire, il le prétend au moins, page 20. Je puis avancer, dit-il, que l'union des deux natures en la personne du Fils est contenue formellement dans l'Écriture et je suis en état de l'établir sur des preuves pareilles à celles sur lesquelles ont appuyé le dogme de l'incarnation. C'est beaucoup dire. Nous savons, de science certaine, qu'il y avait dans le Verbe incarné de nature. L'Écriture le dit, et le répète en cent endroits, et d'ailleurs on ne peut contester ni l'existence de la nature humaine puisque Jésus-Christ est mort, ni l'existence de la nature divine puisque les apôtres la lui attribuent. Ainsi chacune de ces deux natures a ses preuves séparément, et leur union a aussi les siennes. L'auteur soutient qu'il en a de pareilles, d'une double nature avant l'incarnation. Examinons-les un peu, et gardons notre sérieux, s'il se peut. Première preuve. En divers passages de l'Ancien Testament, le Fils est appelé ange ou envoyé de Dieu. Donc, page 21, il était un ange, c'est-à-dire un être intelligent fini, le nom d'ange, la qualité d'envoyé de Dieu marque assez une telle nature. La conclusion est bonne, à la vérité, Si le Fils ne peut être envoyé par le Père, à moins que d'être une intelligence créée. Mais c'est là précisément ce qui est en question, et le raisonnement de cet auteur est une misérable pétition de principe qu'il érige pompeusement en démonstration. Deuxième preuve, Dieu dit de cet ange, Exode 23, 21. Donne-toi garde de le mettre en colère, et écoute sa voix, et ne l'irrite point, car il ne pardonnera point votre péché, parce que mon nom est en lui. Donc il y a dans cet ange deux natures, car le nom de Dieu qui est en lui c'est Dieu lui-même, et le nom d'ange, la qualité d'envoyé de Dieu marque assez une nature finie. En vérité la démonstration est belle. Cet auteur fait lui-même en sa conscience que quand bien il s'agirait ici d'une intelligence créée, il ne s'ensuivrait nullement de cette expression « mon nom est en lui » que ce fût par une non personnelle. Car si cette phrase signifiait cela dans l'Écriture, nous y trouverions le Père unipersonnellement avec Jérusalem. 2 Rois 21, 4, dans laquelle l'Éternel avait mis son nom, et avec le temple de Salomon, maison que Dieu, 1 Rois 8, 16, choisit afin que son nom fût en elle, et même avec le pays de Goshen de laquelle, Exode 8, 22, l'Éternel dit, « Je suis au milieu de la terre ». Mais sans entrer ici dans une discussion de critique, je défie solennellement cet auteur de produire un seul passage de l'Écriture, où cette phrase, être en quelqu'un, ou en quelque lieu, lorsqu'on parle d'une personne qui est, signifie une union personnelle, excepté les endroits où son système demande qu'on leur donne ce sens, et auquel on ne peut le donner que par pure pétition de principe. Troisième preuve. Le Fils et le Saint-Esprit sont subordonnés au Père, donc ils sont l'un et l'autre d'une nature dépendante et finie. La réponse est aisée. Si cette raison est concluante, ce n'est qu'en faveur de l'arianisme qui veut effectivement que ces deux personnes ne soient que des créatures, à les considérer dans leur plus haut degré d'excellence et qui veulent par conséquent qu'il n'y ait en elles qu'une seule nature. Mais l'auteur n'en peut faire aucun usage par ses principes, parce que, selon lui, le Fils et le Saint-Esprit, considérés dans leur nature divine, sont tellement égaux au Père, qu'ils ne sont que le Père lui-même. Ce Père serait-il subordonné à lui-même, et sa personne perdrait-elle son rang en s'unissant avec des êtres créés? D'ailleurs cette preuve a le même défaut que les autres, elle n'est encore que pétition de principe, parce qu'elle pose pour démontrer ce qui ne l'est pas, et ce qui ne le sera jamais, qu'entre trois personnes, égales de leur nature, il ne peut point y avoir de subordination. Quatrième preuve. L'Écriture admet, entre le Père et les deux autres personnes, une distinction réelle. Donc cette distinction doit être de substance à substance. Toujours pétition de principe, et jamais autre chose. L'auteur reconnaît lui-même ailleurs une distinction de mode, ou de manière d'être qu'il s'accorde donc avec lui-même, et nous verrons ensuite, si trois personnes, qui sont toutes de la même substance, ne peuvent point être réellement distingués. Enfin, cinquième preuve, l'union personnelle du Père avec deux intelligences finies n'implique point contradiction. Donc ce système ne doit pas être rejeté, page 27, comme étant contraire à la raison ou à l'Écriture, parce qu'on ne démontrera jamais que Dieu, ayant pu s'unir d'une manière fort étroite avec une nature intelligente finie, avoir la nature humaine dans l'incarnation, il n'est pas pu s'unir avec deux autres natures finies. Oh l'excellente logique! Oh qu'on est heureux d'avoir l'esprit mathématicien, et d'entendre l'algèbre! Quelle facilité cela ne donne-t-il point pour l'art de tirer des conséquences? Une chose n'est pas impossible, donc elle est. Dieu a pu s'unir avec 100 000 natures finies, donc il s'est uni avec 100 000 natures finies. Qui en doute cela est plus clair que le jour, les démonstrations des mathématiques n'en approchèrent jamais. Il faut se rendre à l'éclat d'une évidence pareille. Je n'y vois qu'un danger, c'est que les transubstantiateurs pourront s'en prévaloir pour leur cause, car c'est leur argument favori, Dieu peut transubstancier les espèces, donc il les transubstancie. Il faut croire que l'auteur, qui n'explique, en partie, le dogme de la Trinité, page 34-35, que pour ravir, à l'Église romaine, les conséquences qu'elle en tire pour la transubstantiation, il faut croire, dis-je, qu'il nous fournira quelques moyens de parer un argument si terrible, et qu'à la faveur de quelques distinctions, il prouvera, mathématiquement, au docteur de Rome, que ce n'est que dans le seul mystère de la Trinité, que l'on raisonne, conséquemment et invinciblement, du pouvoir à l'être. Et de la toute-puissance à l'existence réelle. Mais faut-il parler sérieusement? Je vous dirai, monsieur, que jamais théologien n'abusa, plus cruellement, de la patience du public que le fait celui-ci, et que je lui ai rendu un vrai service d'ami, en insinuant, dès le commencement de ma lettre, qu'il se croit prophète, et divinement inspiré. Car il n'y a qu'une révélation prétendue, qui puisse fournir, à qui que ce soit, le prétexte d'annoncer pour dogmes capitaux des dogmes qui ne sont pas dans l'Écriture, prétexte néanmoins qui n'excuse que le nouvel évangéliste, et qui ne donne aucun poids à son nouvel évangile, comme on en peut juger par ce que saint Paul en disait aux Galates, 1, 7, 8. Il y en a qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile du Christ. Or quand bien nous-mêmes, ou un ange du ciel vous évangéliserait outre ce que nous vous avons évangélisé, qu'il soit exécration. 3. Ce système est un tissu perpétuel de contradictions, par la jonction continuelle de l'affirmative et de négativité sur la même proposition. À la suite de l'incompréhensibilité, et de l'innovation arbitraire, doit venir la contradiction. C'est un défaut que j'ai reproché souvent au système, prétendu nouveau, sur la Trinité, mais il me semble aussi qu'en chemin faisant, j'en ai déjà donné des preuves aussi évidentes que des démonstrations mathématiques peuvent l'être. Tout est contradictoire. Dans ce système, et, de quelque côté que vous le preniez, ce n'est que contradiction visible et grossière. Comment cela pourrait-il ne pas être, dans un tout qui est composé de deux parties essentiellement discordantes, absolument incompatibles, diamétralement opposées? Ces deux parties sont l'arianisme et le sabellianisme. Séparément, chacun, de ces deux sentiments, n'est point en contradiction avec lui-même, quoiqu'il soit contraire à l'Écriture. Mais réunis, dans le même système, ils forment la plus monstrueuse association d'inconsistance dont on ait jamais ouï parler. Faut-il répéter ce que j'en disais tantôt? Vous ne pouvez l'avoir oublié. Parlant du même sujet, l'arien dit blanc, et le sabellien dit noir, l'un affirme ce que l'autre nie, et celui-ci pose pour évident, ce que celui-là soutient être faux. Il n'est donc pas besoin d'un long examen, pour s'assurer que ce système est contradictoire, inintelligible, contraire à toutes nos lumières naturelles. Il n'y a qu'à y voir, d'un bout à l'autre, les mêmes propositions, niées et affirmées, données pour vraies et pour fausses, admises dans le sens arien, et rejetées dans le sens sébélien. De divers exemples que j'en ai cités ci-dessus, je n'en rappellerai qu'un seul, parce qu'il est pris des propres expressions de l'auteur. C'est celui qui définit la distinction des trois personnes de la Trinité. Dans un endroit, il pose que la distinction est substantielle, page 22. Tout ce système, dit-il, est appuyé sur deux principes dont l'un est que la distinction des trois personnes est une distinction de substance, à substance, et dans un autre il établit que cette distinction est purement modale. Les orthodoxes disent, page 35, dit-il, que les trois personnes sont trois manières d'être de la divinité. Dans quel système cela se peut-il dire d'une manière plus intelligible que dans le mien? La divinité n'est-elle pas d'une manière différente dans le Père, dans le Fils, et dans le Saint-Esprit? Cette distinction des personnes est la base et la clé de son système, c'est là-dessus que tout roule, et de cela que tout dépend. On vient d'entendre comment il s'y contredit de la manière la moins déguisée, et quelle peut être la suite de cette contradiction dans le fondement, qu'une enchaînure continuelle de contradictions toutes aussi grossières les unes que les autres, j'en ai tant de honte pour lui, que je ne saurais avoir la cruauté de le pousser là-dessus davantage. 4. La jonction du sébélianisme et de l'arianisme dans ce système, met l'écriture en contradiction avec elle-même dans toutes ses diverses parties. Si le système, pris en son tout, est contraire à la raison parce qu'il est contradictoire, j'ajoute qu'à le considérer, dans les diverses parties, il est contraire à l'écriture, non seulement parce qu'il ne s'y trouve point, mais surtout parce que cette écriture lui est directement opposée. L'arianisme et le sébélianisme sont, chacun à part, antiscripturaires, dans le sens le plus naturel de ce terme. L'écriture les combat, également, l'un et l'autre, et par conséquent un système, qui les adopte tous deux, doit avoir l'affreux désavantage de se trouver, à l'un et à l'autre égard, en opposition avec l'écriture. Le système, lui-même, en est une preuve démonstrative, car pourquoi réunir le sébélianisme à l'arianisme, si ce n'est que le sébélianisme, tout seul, n'est pas soutenable par la révélation, et que l'arianisme, tout seul, ne peut être, non plus, défendu par la religion révélée? Si l'écriture est arienne, comment peut-elle être sabellienne? Si elle est favorable au sabellianisme, comment est-ce que l'arianisme y trouvera son compte? Joindre ces deux choses, n'est-ce donc pas mettre l'écriture en contradiction avec elle-même, et le faire d'une manière à la rendre, avec raison, le mépris et le jouet des profanes? Il faut opter. Soyez arien si vous voulez, ou sabellien si vous l'aimez mieux, au moins en étant l'un ou l'autre, page 6, vous ne mettrez qu'une partie de l'écriture en contradiction avec l'autre partie. Mais en étant tous les deux, à la fois, vous mettrez toutes les parties de l'écriture en contradiction avec toutes les autres parties. 5. Le sabellianisme du système entièrement opposé à l'écriture. Puisque la jonction du sabellianisme et de l'arianisme, dans le même système est une reconnaissance tacite que fait l'auteur de leur opposition respective à l'écriture, je pourrais bien m'épargner la peine de démontrer cette opposition-là. Cependant, puisque j'ai tant fait que de m'embarquer dans cette discussion, vous me permettrez bien, Monsieur, de faire quelques observations sur ces deux hérésies pour montrer combien elles sont contraires à la révélation. Je ne toucherai pourtant les choses qu'en courant, parce que je crains de vous ennuyer par la longueur de ma lettre. Je commence par le sabellianisme, et pour abréger, je ne le considère ici que comme faisant partie du prétendu nouveau système. Nous venons de l'entendre. Lorsque l'auteur parle en sabellien, il ne reconnaît, entre les trois personnes, qu'une distinction modale. Ces trois personnes, dit-il, ne sont que trois manières d'être de la divinité. Il croit donc qu'il n'y a qu'une seule personne divine, qui sous trois dénominations ou relations différentes, est appelée tantôt le Père, tantôt le Fils, et tantôt le Saint-Esprit. Il ajoute que cette unique personne divine est le Père qui est la divinité toute pure, à la considérer comme Père, et qui est la divinité composée, à la considérer comme unie personnellement avec deux intelligences finies. On demande si ce système est conforme à l'Écriture, ou s'il lui est contraire. La réponse est facile. Certainement ce système est dans l'opposition la plus formelle à l'Écriture, car s'il y a quelque chose de clair dans nos livres sacrés, c'est que la distinction des trois personnes, en qualité de personne divine, est véritable et réelle. Je dis d'abord que l'Écriture distingue ces trois personnes, à les envisager comme des personnes divines, et je fais cette remarque pour ôter à l'auteur sa ressource ordinaire de confondre, perpétuellement, le sens à rien avec l'autre, et de se tirer d'affaire par là quand on veut le pousser. Ôtons-lui tout prétexte d'équivoquer sur cette matière, et montrons que la révélation distingue, réellement, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit, à les considérer comme des personnes divines. Nous n'irons pas loin pour en chercher la preuve. Nous la trouvons cette preuve dans la formule de notre baptême. Cette sainte cérémonie est administrée au nom du Père, en celui du Fils et en celui du Saint-Esprit, et qui en fut l'instituteur, Jésus-Christ lui-même, Hébreux 12:2. Le chef est le consommateur de la foi des chrétiens, Matthieu 28-19. Allez, dit-il à ses apôtres, faites-moi des disciples parmi toutes les nations, instruisez-les toutes, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il n'y a point à chicaner sur l'autorité de ce formulaire, il fait partie, et même il fait une des plus augustes parties de la religion révélée. Mais qu'emporte ce formulaire, et quelle en est la nature? De l'aveu de tous les chrétiens, c'est un acte de profession publique où nous exprimons l'objet de notre foi, et de notre culte. Dans les principes de l'Écriture, l'objet suprême de la foi, et du culte des chrétiens ne peut être que l'être suprême, et dans ces mêmes principes, tout objet de notre culte et de notre foi doit être considéré comme Dieu. Ainsi, dans la formule du baptême, les trois, au nom desquels nous le recevons, sont nécessairement considérés non seulement comme trois personnes, mais encore comme trois personnes, qui sont divines, ou dont chacune est Dieu. Le Père n'y est pas plus que le Fils, et le Saint-Esprit, si ce n'est que son nom y paraît le premier. Nous rendons également aux trois les mêmes hommages, nous leur promettons le même respect, nous nous engageons à les regarder, l'un autant que l'autre, comme le Dieu de notre cœur et de nos espérances. Disons-le en un mot, si, dans ce formulaire, le Père est considéré comme Dieu, le Fils et le Saint-Esprit ne peuvent aussi être considérés que comme des personnes divines. Cela supposé, je dis que ce même formulaire établit, entre ces trois personnes, une distinction véritable et réelle. N'y reconnaître que trois manières d'être, ou que trois dénominations de la même personne, c'est mettre dans la bouche de Jésus-Christ, une absurdité dont le chrétien le plus indifférent ne saurait le croire capable. Si le Père est l'unique objet de notre foi et de notre culte, en tant que divinité toute pure, ou que divinité unie, qu'était-il besoin, après l'avoir énoncé par son nom, de l'énoncer encore sous deux modifications? Est-ce que ces deux manières d'être mettent quelque diversité dans son essence et pourquoi désigner d'une manière obscure, embarrassée, équivoque la même personne qu'on a déjà désignée avec évidence? Que l'auteur de la lettre y fasse ses réflexions, et qu'il juge par là combien son système est contraire à l'Écriture. Si la formule du baptême se rapporte aux trois personnes, en tant que personne divine, il faut de toute nécessité qu'il y ait non une distinction de mode, mais une distinction réelle, entre les trois personnes, en tant que personne divine. Je vais plus loin, et j'ajoute que son système est tellement sujet à la contradiction, qu'il lui jette même sans que l'auteur s'en aperçoive. Car comment concilier, cette divinité modifiée, avec certaines vérités qu'il conserve des confessions orthodoxes? Page 17. Sa doctrine, dit-il, est la même que la nôtre sur l'incarnation de Jésus-Christ et sur sa satisfaction. Il croit donc comme nous, que Dieu a pris à la fois la nature humaine, et nous a rachetés par sa mort, en tant qu'un Dieu peut naître et mourir, lorsqu'il s'est uni personnellement avec une nature mortelle. Mais je voudrais bien lui demander, qui est ce Dieu qui s'est fait chair, et qui a satisfait pour nous en qualité de victime propitiatoire? Dans son système, ce Dieu doit être le Père, non à la vérité comme divinité toute pure, mais comme divinité unie. Dans ses principes, il n'y a de Dieu que le Père, et le Fils n'a de divinité que celle du Père qui s'est uni avec une intelligence angélique. C'est donc le Père qui est né de la Vierge, qui a paru dans le monde, qui est mort sur la croix. C'est le Père qui a été envoyé par le Père, qui est retourné au Père, qui a satisfait à la justice du Père, qui nous a réconciliés avec le Père. En un mot, tout ce que le Fils a fait, en tant que Dieu, a été fait par le Père, et quel galimatias ceci ne met-il point dans l'Écriture et dans la théologie? N'est-ce pas revenir au sentiment des Noétiens? Ne ferait-on pas mieux de parler comme eux, puisqu'on pense comme eux? Si le système patripatien est celui de l'Écriture, pourquoi le désavouer? Ou s'il lui est contraire, comment est-ce que celui de l'auteur lui est conforme? Je ne vois pour lui que l'un de ces deux partis à prendre. S'il croit, comme nous, que Dieu s'est fait chair, pour notre salut, il doit croire une distinction réelle entre les personnes divines, ou s'il ne croit pas la réalité de distinction entre les personnes divines, il ne doit pas croire le mystère de la satisfaction, comme nous le croyons, et comme l'Écriture l'enseigne. Mais c'est assez parler du sabellianisme considéré dans ce système par opposition à l'Écriture. Parlons aussi de l'arianisme, et c'est par là que mes réflexions finiront. Le champ est vaste, et je me garderai bien de m'y engager trop avant. Il n'y a rien qui m'y oblige. Je trouve, dans la lettre d'un théologien, de morceaux particuliers, de la doctrine arienne, auxquels je puis m'arrêter. Cet essai suffira pour convaincre tout chrétien, qui pense, que la doctrine de l'arianisme n'est point celle de l'Écriture. Ces deux morceaux singuliers sont la création du Fils et le culte relatif qu'on suppose devoir lui être rendu. J'ai renvoyé tantôt, à cet endroit, ce qui me restait à dire de la génération éternelle du Verbe. De la manière dont l'auteur s'en explique, il semble d'abord que, retenu par la conscience, il est en vue de conserver, dans son système, les termes reçus de tout temps dans l'Église, et cela le conduit à cette incompréhensibilité que j'ai relevée, qui est d'établir une éternité finie, ou pour parler autrement de poser, pour principe, que la cause ne précède point l'effet. C'est pourtant un mystère qu'il pouvait mettre de moins dans son ouvrage, car, dans le fond, son vrai sentiment est que le Fils, en tant que Fils, est une créature, et que par conséquent sa génération n'est éternelle que tant qu'elle a précédé, dans l'ordre du temps, tous les autres êtres créés. Il dit dans son premier principe qu'outre la divinité il y a deux êtres intelligents finis auxquels Dieu a donné l'existence dans un temps qui a précédé la création du monde, et il ajoute, dans le 9, que la seconde personne n'est pas appelée fils de Dieu, et n'a pas été engendrée en qualité de Dieu, mais en qualité d'être intelligent fini. Il soutient en conséquence que, page 29, de tous les passages, sur lesquels on fonde l'éternité, proprement dite, de cette génération, il n'en trouve pas un seul qui soit concluant, et lorsqu'on rassemble toutes ces idées on y reconnaît une exposition fidèle, et servile des sentiments et des expressions d'Arius. Cet hérésiarque dit, dans sa lettre à Eusèbe de Nicomédie, Apude, Saint Épiphane, Adversus et Résé 69, que, sa créance est que le Fils existe avant les temps, et avant les siècles, quoiqu'il ait été tiré des choses qui n'existaient point, et dans sa lettre à l'évêque d'Alexandrie, il déclare aussi que le Fils a été engendré du Père sans temps, qu'il a été créé avant les siècles, et qu'il a été engendré cent ans avant toute chose. Arius donnait donc, au Fils, une éternité improprement dite, et qui doit uniquement s'entendre de ce qui a précédé la création du monde visible, c'est-à-dire, le temps que nous comptons par le cours du soleil, et des astres. L'auteur de la lettre ne dit, et n'a voulu dire autre chose, de sorte que dans l'obscurité dont il s'enveloppe il est beaucoup moins inventeur que copiste. C'est une observation que vous ajouterez, s'il vous plaît, monsieur, à celle que je faisais ci-devant pour montrer que le nouveau système n'est rien moins que nouveau, dans ses diverses parties. À présent il n'est plus question de cela. Je cherche, non, si le système de l'éternité improprement dit du Fils, ou plutôt de sa création est nouveau, mais s'il est celui de l'Écriture, et je me crois en état de prouver que non, même sans entrer dans les lieux communs sur cette matière. On reconnaît, d'abord, la force de la vérité, dans les aveux de l'arianisme. Il confesse que le Fils a été engendré cent ans, avant les siècles, avant la création du monde. Il confesse donc que l'Écriture s'en exprime d'une manière à ne pas attribuer au Fils un commencement d'existence qui lui soit commun avec aucun des êtres créés. Cette confession nous dispense, naturellement, de produire des passages nombreux de la révélation qui témoignent avec évidence que le Fils existait avant la création de l'univers et devant tout ce que l'on peut imaginer de temps et de siècles. Ce Fils est donc éternel, à prendre ce terme dans un sens relatif et par rapport à ce que nous appelons le temps considéré comme une durée qui se mesure par celle d'un être créé à un autre être créé. Voilà ce que l'Arien nous accorde, et ce qu'il ne peut que nous accorder s'il dit sincèrement ce qu'il pense. Le Fils étant éternel, dans un sens relatif à toutes les créatures, parce que l'on ne peut pas mesurer la durée par celle d'aucun être créé, il reste à savoir s'il est aussi éternel dans le sens propre, c'est-à-dire, dans le sens qui convient à un être, qui étant unique, existe, de telle manière, que l'on ne puisse en mesurer la durée, ce qui ne convient qu'à l'être suprême, parce qu'il est le seul qui existe nécessairement. L'Arien le nie, et pourquoi le fait-il? Est-ce que l'Écriture, lorsqu'elle parle de l'éternité du Fils, distingue l'éternité de son existence de celle de l'existence du Père? Ne se sert-elle pas des mêmes expressions au sujet de l'une et de l'autre? N'en donne-t-elle pas parfaitement les mêmes idées? L'auteur en convient, et comment est-ce donc, après cela, qu'il peut dire que le Fils n'est pas éternel, dans le même sens que le Père, et que son système n'est pas contraire à l'Écriture? Sa réponse est extrêmement singulière, et renferme un aveu très formel du désavantage qu'il a d'être abandonné de l'Écriture, et de parler un langage très différent du sien. Après avoir donné la gêne à quelques passages desquels on conclut que le Fils de Dieu a été engendré de toute éternité proprement dite, voici ce qu'il ajoute, page 31. Mais, dit-on, Dieu se sert de ces mêmes expressions pour désigner son éternité. J'en conviens, mais ces expressions ne marquent l'éternité de Dieu que parce que c'est à Dieu qu'elles sont appliquées. De leur nature, elles ne marquent qu'une durée bornée, qui pourrait être celle de quelque créature, et ce n'est qu'en étendant leur signification qu'on peut s'en servir pour marquer l'éternité de Dieu. C'est le sujet qui doit déterminer le sens des expressions, et ce ne sont pas les expressions qui doivent déterminer la nature du sujet. Cela veut dire, si j'entends bien cet auteur, ou plutôt s'il s'entend bien lui-même, que nous n'avons de bonne preuve de l'éternité de Dieu, que celle que nous en fournit la raison. Qu'on ne saurait la conclure d'aucune expression de nos livres sacrés, que les expressions les plus fortes et les plus magnifiques, dont elle se sert pour en parler, sont toutes équivoques, et pourraient se dire d'une créature, et que par conséquent elle ne prouve rien pour l'éternité du Fils, parce qu'elle ne prouve rien pour l'éternité du Père. Donc lui dirais-je, Monsieur, vous prétendez que c'est par la raison seule qu'il faut décider de cette importante querelle, indépendamment de tout ce que dit l'Écriture, donc encore vous avouez que cette Écriture n'est pas pour votre système, donc enfin vous reconnaissez que si l'Écriture favorise quelque système, sur cet article, ce n'est que celui de l'orthodoxie. Eh bien, à quoi bon tant de détours? Que ne dites-vous sans façon, que vous ne vous embarrassez point de l'Écriture, et que votre système se soutiendra bien sans elle, et contre elle. De la nature du Fils de Dieu à celle de son culte le passage est commun, et je serais coupable, d'une grande omission, si je ne touchais pas cet article. Le culte suprême, que nous rendons à la seconde et à la troisième personne de la glorieuse Trinité, coule nécessairement de la foi orthodoxe. Nous croyons que le Fils et le Saint-Esprit sont le vrai Dieu, conjointement avec le Père, et le Père par conséquent ne mérite d'autre culte que celui que nous devons au Fils et au Saint-Esprit. La formule de notre baptême, comme je le disais tantôt, établit, de notre part, cette parfaite égalité de devoirs, parce qu'elle nous les représente dans une égalité parfaite, en qualité d'objet d'adoration et de foi. Ces trois personnes sont, à nos yeux, des personnes divines dans le même sens et de la même manière. Nous sommes donc obligés de rendre à toutes trois tous les hommages tant internes qu'externes que l'homme et le chrétien peut devoir à l'être suprême. Ce système de théorie et de pratique est uni, la raison le dicte et l'écriture l'appuie. Il n'en est pas de même à beaucoup près, du système arien. Un homme qui croit que le Fils et le Saint-Esprit ne sont que des créatures, ne peut ni ne doit, en conscience, leur rendre le même culte qu'au Créateur, et cependant l'arien le fait. Comment concilier donc sa théorie avec sa pratique? Ne pêche-t-il pas contre la raison? Ne pêche-t-il pas contre la religion révélée? Ces questions, de tout temps, jeter l'arianisme dans un furieux embarras, et le seul parti qui lui reste est celui d'approuver, de justifier, et d'ériger même, en loi, le culte religieux que l'on rend à des êtres créés. Mais les Ariens n'ont pu encore s'accorder sur la manière de colorer leur conduite. Les uns distinguent le culte simplement religieux du culte suprême, et disent que le premier n'est point criminel quand on le rend à certains ordres de créatures. Les autres mettent la distinction entre le culte direct et le culte relatif, et prétendent que tout culte, rendu aux créatures, relativement à l'être suprême, n'est incompatible ni avec les lumières de la sainte philosophie, ni avec celles de la révélation. Le sentiment des derniers est celui qu'adopte l'auteur de la lettre, page 46, 47. Le Fils et le Saint-Esprit, dit-il, sont l'objet de tous nos hommages religieux aussi bien que le Père, mais ces hommages ne s'adressent pas à ce qu'il y a de fini dans ces deux personnes, mais à ce qu'il y a en eux d'infini et de divin. Ainsi, soit que nous honorions le Père, soit que nous honorions le Fils et le Saint-Esprit, nous n'avons qu'un seul et même Dieu pour objet de notre culte et de notre adoration. Nous adorons ce Dieu, selon qu'il se fait considérer à nous, ou dans la personne du Père, ou dans les personnes du Fils et du Saint-Esprit, auxquelles il s'est uni, et dans lesquelles il nous manifeste sa glorieuse présence. Les hommages que nous leur rendons ne se rapportent pas aux intelligences finies, mais à la divinité qui est en eux. Dieu soit loué, monsieur, de ce que l'auteur fournit ainsi lui-même, aux réformés orthodoxes, un préservatif infaillible contre le poison de ses sentiments. Il ne faut que ce seul trait pour mettre tous nos protestants sur leur garde. Que les catholiques romains ne soient point alarmés par cette considération, il n'y aurait pas de quoi nous surprendre. Le culte relatif est leur doctrine, et c'est par là qu'ils exécutent l'idolâtrie que nous leur reprochons tous les jours, confère Bossuet. L'Église, disent-ils, enseigne que tout culte religieux se doit terminer à Dieu, comme à sa fin nécessaire, et si l'honneur qu'elle rend à la Sainte Vierge, et aux saints, peut être appelé religieux, c'est à cause qu'il se rapporte nécessairement à Dieu. Cette Église-là ne devrait donc se faire aucune peine ni de l'arianisme, ni du culte arien, mais un protestant qui connaît un peu sa religion, doit être nécessairement prévenu contre cette hérésie, à ne considérer que les conséquences affreuses où elle mène dans la pratique. Si le culte relatif est permis, sous l'Évangile, pourquoi ne pas adorer les saints, et les saintes, la Vierge, les apôtres, la croix, les images, l'hostie, pourquoi même ne pas adorer toutes les créatures, puisqu'il n'y en a point dans laquelle Dieu ne manifeste, plus ou moins, sa glorieuse présence. Dieu se manifeste dans un oignon qu'il fait croître, et qu'il revêt, de même que l'herbe des champs, Matthieu 6, 30. Quel était donc le crime des Égyptiens, qui rendaient un culte religieux aux oignons? Le soleil est l'image la plus brillante de la divinité qu'il y ait dans la nature, il y est même comme un dieu matériel et visible, environné des astres comme de son armée. D'où vient donc que la loi de Moïse défendait aux Hébreux, avec tant de précision, Deutéronome 4, 19, de se prosterner devant le soleil, la lune, les étoiles, et toute l'armée des cieux? La religion chrétienne a-t-elle dérogé aux lumières de la raison, et aux ordres de l'ancienne alliance? Et si elle n'y a pas dérogé, quel jugement ferons-nous de cet auteur qui vient prêcher le culte relatif dans le sein d'une communion réformée? Est-ce encore de ce point-là qu'il nous défend de crier, page 37, « Cela est nouveau, nos pères ne nous ont pas enseigné cette doctrine, nous n'en avons jamais entendu parler » Est-ce encore de ce point-là, sur lequel il nous recommande de mépriser les traditions de nos ancêtres et les décisions de nos théologiens? Est-ce enfin encore sur ce point-là qu'il dit, avec tant de confiance, page 18, qu'il est en état de prouver, par des démonstrations aussi évidentes que des démonstrations mathématiques puissent être, que tous les articles qui composent son système sont fondés sur l'autorité de l'Écriture? S'il y a ce degré d'évidence pour le culte relatif, que vous êtes à plaindre, généreux confesseur qui ne souffrez dans les galères et dans les cachots, que pour n'avoir pas adoré Dieu, comme le roi le voulait, dans les saints, dans les images et dans le sacrement, que vous êtes à plaindre, triste réfugié qui sacrifiait votre repos, votre patrie et vos biens à la crainte de l'idolâtrie, que vous fûtes imprudent, illustres et courageux martyrs qui aimâtes mieux perdre la vie que de fléchir le genou devant l'idole. Pardonnez-moi, monsieur, ce petit emportement, en vain voudrais-je vous le cacher. De toutes les abominations de l'Église romaine, je n'en connais point de plus anti-chrétienne que le culte qu'on y rend aux créatures. Tout le reste peut être toléré ou excusé jusqu'à un point. Mais en ceci rien ne me paraît digne ni de support ni d'excuse. Telle est en ma pensée, puis-je voir, avec indifférence, qu'un auteur, page 36-37, qui se donne pour protestant, entreprennent d'insinuer que le culte rendu aux créatures fait partie de la religion chrétienne. Ce n'est pas tout, qu'il l'insinue, et qu'il en fasse même un principe à la papiste. Il se sert encore des exemples dont les papistes se servent, page 46, 47, « Nous adorons Dieu, dit-il, dans les personnes du Fils et du Saint-Esprit, dans lesquelles il nous manifeste sa glorieuse présence. C'est ainsi qu'il la manifesta autrefois, quoique d'une manière moins expresse, et qu'il recevait aussi les hommages et le culte des hommes à qui il se manifestait, dans le buisson enflammé au milieu duquel Dieu parla à Moïse, dans la colonne de nuée et de feu qui conduisait les Israélites dans le désert, et du milieu de laquelle Dieu leur adressa souvent la parole, dans cet ange qui se fit voir diverses fois aux anciens patriarches sous une forme visible, et en divers autres objets sensibles. Je vous l'avoue ingénument, monsieur, à lire ces choses dans l'écrit d'un prétendu protestant la plume me tombe des mains, et de peur qu'il ne m'échappe quelques réflexions qui vous paraîtraient trop vives, je finis en vous assurant que je suis ce que je vous serai toute ma vie, etc. Mark M. Dan, archive.org d'après Books Google.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.